faire des milliers d'euros d'économies en construisant ou en rénovant? C'est possible grâce à Dobit. Dobit, ce sont plus de 2000 consignes et 800 vidéos de construction pour vous aider dans tous vos projets. Essayez Dobit maintenant pendant 4 semaines pour 4 euros seulement. Visitez dobit.be et économisez des milliers d'euros. Un jour comme un autre dans une agence bancaire Fintro. Bonjour Madame Lefebvre. Bonjour. Entrez, n'hésitez pas. Oh, merci de me recevoir si vite. Avec plaisir. Je vous préviens, j'ai beaucoup de questions pour vous. Pas de souci, j'ai prévu beaucoup de temps pour vous. Ah, je pourrais même sortir le cœur léger alors. Oui. Oh, c'est formidable. C'est ça, une banque proche. Fintro, proche et pro. Découverte nostalgie. Ian Hooper, Dry Your Tears. Always gonna be, always gonna be. We've not been here before. Who's knocking at the door? The news makes you want to run away. You don't know where to go. Sometimes you're lost for sure. But I'm just happy to have you with me now, love. If there's rain, there will be sun. If you're lost, you better run. Better hope for better days to come. Potrebbe cantarla un milione, un milione.

love unconditionally. Il a bravé la pluie hier du côté de Ronquière. Benjamin Biolay avec cette nouveauté nostalgie de la beauté là où il n'y en a plus. Bientôt Michael Jackson, mais déjà pour vous, Muriel Dax sur Nostalgie Summertime. Yeah. J'ai une nouvelle vague de musique avec le tube de Patrick Hernandez, Born to be Alive. On va retrouver Anastasia. Avec Not That Kind. Et dans un instant, nous jouons aussi à la furieuse envie de chanter sur Nostalgie Summertime. Summertime. L'été. Summertime. Leslie Ramenem, qui s'est prêtée au jeu, elle a chanté 5 extraits de chansons. À vous de les poursuivre au mieux. On va se rendre dans la région du centre, du côté de Courcelles. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Marie. Et bienvenue. Tout va bien aujourd'hui? Merci. Tout va très bien, oui. Vous avez la chance d'être en congé avec un petit rayon de soleil au-dessus de votre tête, là. Exactement, ça fait bien fou. Parfait, parfait. Bon, alors, vous connaissez le principe, hein, poursuivre correctement les paroles. Je regarde les 5 extraits de Leslie. Oh, ça devrait aller, j'espère, hein. Allez, on croise les doigts. On y va, on se lance? Ça marche. C'est parti. Attention, c'est à vous de chanter. Le soleil donne de l'or intelligent. Le soleil donne. Encore 2-3 paroles? Bon, je sais pas. Bon. Ne plus pleurer, restez là. Ça c'est Gold, Ville de Lumière. Je sais, mais je sais plus. Le soleil est là, le soleil déjà, aide-moi. Non. Ça c'est Qu'est-ce que t'es belle avec Marc Lavoine et Catherine oui. Ringer. Le soleil est là, le soleil est là, aide-moi. Super non. Chanson d'ailleurs. Non, du tout. Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde. Prends garde à toi, maman. Je sais pas. Non, c'est pas ça. Alors, le dernier pour la route. Oui. et je te rends ton amour. Bon, allez, pas de regret, pas de regret. Ça, c'était Mylène Farmer, je te rends ton amour. Et ça devait être redevient les contours. Bon, soit, c'est pas bien grave. On va faire plaisir à vos deux belles filles, oui, Mélodie et Céline, puisque je vais vous envoyer quatre entrées pour Fantasyland quand même. Hein. Génial, super, merci Nostalgie. Ben, avec plaisir. Si elles aiment les montagnes russes, là, ça va être quelque chose avec Rockbrug. C'est une nouvelle attraction. Le rêve de voler devient réalité avec cette plus longue flying launch coaster au monde à découvrir donc du côté de Fantasyland en Allemagne. Bravo, hein ? Merci, merci, merci Nostalgie. Avec plaisir. Salut. Au revoir Isabelle. Salut, au revoir. Nostalgie. Une furieuse envie de chanter tout l'été. You know I'm not that kind. Woo! Come on. Anastasia sur Nostalgie. Bonjour, je m'appelle Mathieu et je travaille au Colroyd Air. On se trouve dans le rayon congélateur. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'en fait, on travaille avec des coffres fermés. Grâce à ça, on fait un gain d'énergie. Et forcément, ça coûte moins d'argent à Colroyd. Et le client le retrouve sur son ticket de caisse. Nos coûts les plus bas, vos meilleurs prix. Colroyd, meilleur prix. Si vous écoutez Nostalgie, c'est pour ça. De la musique. De la musique. Et du soleil. Moi j'aime bien, ça met de l'ambiance. Parce que ça a de la musique, ça me met de bonne humeur. À tout moment sur Nostalgie. Bonne musique et bonne humeur garantie. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Un pasito pa'lante, María. Antoine. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Le temps sera plus sec cet après-midi encore. Eh oui, même si une petite averse locale n'est toujours pas à exclure, le ciel dans l'ensemble devrait être partagé entre nuages et éclaircies. Maxima, toujours un peu frais pour la saison, de 16 à 20 degrés. Comptez actuellement 16 degrés à Assès et Dinan, 19 à Lannes et à Ittre, 21 à Pec et à Comines. Nostalgie, l'actu avant l'heure. On va voir ce que tu as épinglé dans l'actu de ce lundi. Déjà, ces 15 premiers magasins Dalaise qui vont passer sous le statut de franchisés. Et oui, c'est la première étape de ce projet de franchisation des 128 magasins que l'enseigne Lyon maintenait en gestion propre. Un projet présenté en début d'année, mais qui a suscité beaucoup de remous. Les 15 premières succursales franchisées ont donc bel et bien été annoncées ce matin. Où se situent ces magasins? Alors, il y en a 3 en Wallonie, Nivelles, Bouffioux et Recogne. 4 magasins bruxellois sont également concernés, ceux de Flagey, Bonndal, Ancart et Mutsard. Le reste se situe en Flandre. La transformation de ces magasins va débuter tout prochainement, dans les tout prochains jours, pour une réouverture à l'automne. Deleuze précise que tous les collaborateurs de ces supermarchés vont conserver leur emploi, leur salaire et leurs conditions de travail actuelles. Vous l'avez peut-être constaté, si vous êtes client chez Proximus, il y a quelques soucis ce lundi. Alors, certains abonnés ont déjà eu une mauvaise surprise au réveil ce matin. Certaines parties du réseau fixe étaient hors service. C'était notamment le cas dans le quart nord-est de Bruxelles. Ici, en fin de matinée à la mi-journée, c'est le réseau mobile de l'opérateur historique qui connaîtrait quelques soucis de stabilité. Des soucis qui toucheraient principalement les appels vocaux. Selon la RTBF, Proximus est au courant de la situation et travaille actuellement à résoudre le problème le plus rapidement possible. On va pas revenir sur le week-end pluvieux qu'on a connu. Non. Mais le sud de l'Europe fait toujours face à une vague de chaleur, par contre. Hein. Et en conséquence, c'est l'Espagne qui est en alerte avec 3 incendies qui ont touché plus d'un millier d'hectares ce week-end. Des foyers qui sont sous contrôle à présent, mais aujourd'hui débute une nouvelle vague de chaleur. C'est déjà la 3e cet été sur la péninsule ibérique. 3 provinces ont été placées en alerte rouge pour risque d'incendie. Il s'agit de l'Andalousie, de l'Estrémadure et de la Castille-La Manche. Pratiquement toutes les autres régions sont en alerte orange. Du sport, du football, on prend la direction de la Coupe du Monde féminine. Et c'est déjà l'avant-dernière journée des 8e de finale. Ce lundi, l'Angleterre s'est imposée 4-2 au tir au but face au Nigeria. Le deuxième match oppose l'Australie au Danemark et après une demi-heure de jeu, l'Australie vient de marquer son premier but face au Danemark. Ça veut dire que ça vient d'arriver dans les dernières secondes. Ça vient d'arriver il y a quelques secondes, effectivement. Bon, on se retrouve demain ? On se retrouve demain. Salut. Offre choc chez Dee. Profitez du deuxième à moins 50% sur les sérums, les masques, le maquillage bourgeois et les vernis Essie à seulement 9,99€. Aussi sur Dee.be. Dee, être bien tout simplement. Bienvenue à vous, Nostalgie 13h. Une furieuse envie de chanter. J'ai crevé l'oreiller. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés. Elle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la rouquine carmélite. La mère sup m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Circuits sont niqués. Puis y'a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. J'veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Reste sourd au cri du marchand de glace.

bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is ce lundi après-midi sur Nostalgie Summertime avec Aïcha et Khaled, avec Jennifer Warnes accompagnée de Joe Cocker. La bande originale d'Officiel Gentleman, Up Where We Belong. Joue arriver également Tina Turner, Claude François. Avec Magnolia Forever pour mettre l'ambiance. Et puis la furieuse envie de série de Stéphanie Dubois. Elle la partage encore aujourd'hui avec en 1999 Les Sopranos. C'est dans quelques instants sur Nostalgie. Deleuze présente départ immédiat avec nos promos du monde. Parce qu'avec notre houmous en promo, vous vous retrouvez directement au... Konnichiwa. Ah non, c'est l'Orient ça. Salam alaikum. Voilà, le Moyen-Orient. Découvrez nos promos du monde. Comme notre houmous, maintenant un ravier plus un gratuit dans votre Deleuze. Du côté de la vraie vie. Conditions en magasin. Vous aussi, vous aimez chanter à tue-tête vos tubes préférés? Trouvez-le nous et gagnez de super cadeaux grâce à votre voix. À la clé, des entrées loisirs pour toute la famille. Et chaque semaine, le meilleur d'entre vous remportera un séjour gastronomique au Phébus Spa 5 étoiles dans le Luberon et son restaurant étoilé au Guide Michelin. Nostalgie, une furieuse envie de chanter. Tout l'été. En ce moment, l'internet giga rapide, on vous l'offre à un prix giga généreux. Le trio mobile est à 55 euros par mois au lieu de 76 et ça restera comme ça toute l'année. Vous, vous tous d'abord, infos et conditions au 0800 825. Vous le détestez ce bruit. Ce bruit de guêpe qui vous gâche un bon repas. Vous n'espérez qu'une chose, qu'il qu'ils disparaissent. Nous, c'est ne plus l'entendre qui nous coupera l'appétit. Aidez-nous à préserver la biodiversité. Devenez membre Natagora sur natagora.be. Natagora, la nature compte sur vous. En partenariat avec Nostalgie et l'avenir.net. Découverte Nostalgie, Osier, Eat Your Young. I'm starving, darling. Let me put my lips to something. Let me wrap my teeth around the world. Start carving, darling. I wanna smell the dinner cooking. I wanna feel the edges start to burn. Passer à côté de moi. là-bas. J'ai dit Aïcha, prends tout, t'es pour toi. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Magnolia Forever, Claude François sur Nostalgie, bientôt Tina Turner de Best, Axel Red aussi, mais avant toute chose, on retrouve Stéphanie Dubois, elle a une furieuse envie de série, et elle va nous entraîner aujourd'hui dans le monde de la mafia avec Les Sopranos. Je suis Starsky, lui c'est Hutch, on est de la police. Et moi des folies bergères. J'aide le chat à essayer d'arrêter de fumer. Une furieuse envie de série. Stéphanie Dubois. Ah oui, à la radio. Ça veut dire que tout va bien. Bonjour tout le monde. La série dont il est question est venue détrôner les sitcoms en 1999. Changement d'ambiance avec un show qui revisite les codes des sagas mafieuses. Basta les parrains forts et redoutables. Ici, le baron de la mafia est au bord de la crise de nerfs. Oui, c'est de la série Les Sopranos dont je vous parle. Monsieur Soprano, c'est Dr. Man. Enchanté. James Gandolfini interprète un anti-héros, Tony Soprano, un chef de gang qui est aussi un père de famille sensible, suivi par une psychiatre. Cette dualité rend le personnage attachant et intéressant à suivre, et c'est le cœur de l'intrigue. C'est ça qui rend la série innovante. Elle mélange les genres et redéfinit l'image du mafieux. Je ne vous ai jamais vu comme ça. Quoi comme ça ? Vous avez peur. Bien sûr, Les Sopranos restent malgré tout fidèles au code des œuvres mafieuses. Les fusillades, les règlements de compte et les menaces du FBI font pleinement partie de l'intrigue. Il y a aussi plein de références aux films de mafia comme Le Parrain, Scarface ou encore Les Affranchis. Si c'est pas Pacino, c'est son jumeau. D'ailleurs, pour écrire sa série, David Chase s'est largement inspiré du film Les Affranchis de Martin Scorsese. De base, il voulait même engager Ray Liotta pour le rôle de Tony. Mais comme l'acteur a refusé, c'est Gandolfini qui a été choisi. T'as pas l'air content que je m'en mêle. Pas de Ray Liotta donc, mais 27 acteurs des Affranchis sont quand même présents dans Les Sopranos. Celle qu'on retient particulièrement, bien sûr, c'est Lorraine Bracco. David Chase lui a proposé le rôle de Carmela Soprano, la femme de Tony, mais elle trouvait que ça ressemblait trop à son rôle de Karen dans Les Affranchis et elle a préféré endosser le rôle de la psychiatre, le docteur Melfi, car c'était plus stimulant. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé avec cet homme dans la rue, mais Je devais vous avertir. Pour interpréter Tony, James Gandolfini donnait de sa personne. Hein, avant de tourner une scène violente, par exemple, il ne dormait que 2-3 heures les deux nuits précédentes. Comme ça, le jour du tournage, il avait une sale tête, tout l'agaçait, il s'énervait beaucoup plus facilement. Il mettait aussi parfois un caillou dans sa chaussure pour l'énerver et être plus authentique dans son rôle. En continuant comme ça, tu vas m'obliger à te flinguer. Il faut savoir que le nom Les Sopranos a suscité pas mal de questions. Les producteurs avaient peur en fait qu'on confonde la série avec une comédie musicale. Du coup, un revolver a été ajouté au logo pour enlever toute ambiguïté. Je n'utiliserai pas ce mot-là. Pas une comédie musicale, mais quand même, la musique a toute son importance. David Chase est un fan de musique et il en a clairement fait un personnage qui vient appuyer une action ou lui donner un tout autre sens. D'ailleurs, il voulait que chaque épisode démarre avec une chanson différente, mais HBO a insisté, les téléspectateurs ont besoin du même générique à chaque fois pour bien reconnaître leur série. Où t'as dégoté cet abruti, hein ? Il sort d'où ? La série a donc été révolutionnaire à plusieurs points de vue et elle a été largement récompensée pour ça. Les Sopranos ont décroché 112 nominations et 21 récompenses, dont plusieurs fois celle de la meilleure série dramatique. Réécoutez Une furieuse envie de série en podcast sur nostalgie.be et sur l'application Nostalgie Belgique. Nostalgie. quelque chose de bon qu'à dans son tempo. Le monde tourne mal, dans la danse solo mondiale, ça sonne faux. Bonne chose qui se prépare, Zucchero, Baila, oui, la BO des Bronzés 3, hein, Amis pour la vie, et puis encore Louis Armstrong. À ne pas manquer ce titre dans les prochaines minutes sur Nostalgie Summertime. Nostalgie Summertime, le son de l'été. Sexy thing, if I, yeah. Ti ho messo gli occhi addosso.

you found me anyway. It's been forever, but I'm feeling alright. Tears dry and we'll leave no trace. And tomorrow's another day. Hide and seek. I am somewhere closed away. You won't believe how long it's been since I started the game. I can't be seen. And you won't find me today. I've not been this low, but I'll be okay. Are you alright? Maybe don't ask, cause you know I never like to talk about that. Keep it inside, yeah, you say I always hold back. And I always wear long sleeves. Is it in your childhood? Something happening in your past? With the sadness here, I promise that it won't last. And if I could, I would try to take it all back. There's still more underneath. And that's when you say to me, can you pull the curtains? Let me see. Sur Nostalgie Curtains, nouveauté Nostalgie. Je vous souhaite une bonne suite de journée avec bientôt Frédéric Maltès. Il est de retour de congé, il vous accompagne cet après-midi et nous, on se fixe rendez-vous demain dès 10h. Nostalgie. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui avec Lidl? Aujourd'hui avec Lidl, on mange une salade de mangue bien fraîche. Avec plein de crème fraîche. Ah oui, car jusqu'à mardi inclus, 25% de réduction à l'achat de 2 mangues et même 50% à l'achat de 4 mangues. Lidl, pour tout ce qui compte. L'été, c'est deux fois plus fun en train. Mais pourquoi c'est deux fois plus fun? En été, il y a plein de façons de voyager à deux. Mais c'est pas toujours super. On peut prendre la voiture. À gauche. Mais non, c'est à droite. Voyager en tandem. C'est moi ou tu pédales pas du tout derrière? En trottinette à deux. Ah non, on me dit que c'est interdit. En planche à voile à deux. C'est pas interdit, mais c'est pas conseillé. Et puis, il y a le train, qui est deux fois plus fun, vu qu'avec le Duo Ticket, on voyage à deux pour le prix d'un standard ticket. Plus d'infos sur sncb.be. SNCB, en route vers mieux. C'est bizarre, ce type-là, qui marche le long du lac avec toutes ses radios derrière lui, non ? Radio Player, 250 radios belges qui vous suivent partout. Même en Suisse ! Radio Player, à télécharger, hop ! Salutement. Au boulot ou en vacances, Nostalgie Summertime, votre musique. Summertime. Summer Deals, c'est maintenant, jusqu'à moins 60% chez Luma. Bien dormir est tout un art. Excellente journée Nostalgie, 14h. Une furieuse envie de chanter. Dans le monde entier grâce à l'application Nostalgie Belgique. Bonjour Nostalgie, c'est Virginie. Je me trouve à 18 000 km de la Belgique. Je suis actuellement à Queenstown en Nouvelle-Zélande et je vous écoute tous les jours. Ça me fait vraiment plaisir d'écouter ce petit bout de Belgique depuis la Nouvelle-Zélande. Moi, je dirais que la Nouvelle-Zélande, c'est vert. C'est très, très vert. C'est vraiment sauvage. Et les gens sont vraiment bienveillants et très, très accueillants. Il y a énormément de parcs nationaux. Il y a plus de moutons que d'habitants. Donc, je pense qu'il y a 5 moutons par habitant, voire plus. Les plages sont magnifiques. J'embrasse fort tout le monde. Nostalgie, partout avec vous. Écoutez Nostalgie dans le monde entier grâce à l'application Nostalgie Belgique. Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, apprendre